الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ونوالاه. أيها الأحباب, je vais essayer maintenant de vous donner un condensé de ce qui vient d'être dit en arabe afin que tous les présents puissent profiter de ce moment hautement spirituel que représente la prière et le sermon du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à agir toujours avec grande sagesse et par la bonne exhortation et à travers le dialogue plutôt que de nous laisser rentraîner dans le cercle de la violence et de la contre-violence. Il faut se dire que quand blasphème il y a, Allah subhanahu wa ta'ala en est au courant et il est capable, parfaitement capable, de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ou punir celui qui en est responsable. Il n'y a pas lieu de s'agiter, il n'y a pas lieu de s'agiter outre mesure en pensant qu'il est absolument nécessaire de se venger de celui qui nous porte préjudice. Le mieux à faire pour le croyant dans ce genre de situation est de se rapprocher de Dieu par la mention de Dieu, ce qu'on appelle communément un zikr, et de multiplier les prières et les invocations, pas nécessairement contre le coupable, pour lequel il devrait, c'est-à-dire le musulman, il devrait en principe avoir de la compassion. Théoriquement, nous devrions avoir de la compassion pour le coupable, mais faire des prières plutôt pour demander le pardon au Seigneur en attendant des jours meilleurs, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses fidèles et ne laisse jamais courir un malfaiteur plus qu'il ne le faut. Ce dont les musulmans ont besoin aujourd'hui est de restaurer leur confiance en Allah et de ne plus compter uniquement sur eux-mêmes pour régler leurs problèmes, car cela ne peut les mener que vers un tunnel fermé. Le mieux est de s'ouvrir à Allah et de s'ouvrir vers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quoi dire lorsque nous autres musulmans sommes confrontés à des situations difficiles. Il dit, je cite, « Da'awatul makroub, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'ayn, aslih li sha'ni kullah, la ilaha illa ant. » Ce qui veut dire, les invocations de toute victime de gros problèmes seraient de dire, « Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde, ne me laisse donc jamais livrer à moi-même et fasse que tout soit pour le mieux pour moi. Il n'y a guère de Dieu que toi. » Lorsque Dieu voulut enseigner à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment réagir aux provocations de ses ennemis, il ne lui a pas dit de les insulter, il ne l'a pas invité à les attaquer lâchement comme eux le font. Au contraire, il lui enseigna de s'en remettre à lui en multipliant les invocations et bien sûr le zikr. Proclame, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ce que je traduis par, proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. En vérité, nous nous chargeons des persifleurs, ceux qui associent une autre divinité au Seigneur et qui seront un jour mis en face de leurs erreurs. Nous savons bien que leur dénigrement t'oppresse le cœur. Célèbre donc les louanges de ton Seigneur et sois du nombre de ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Il est capital, chers frères et sœurs, de comprendre que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui font pleinement confiance. C'est dans ce sens-là qu'après avoir incité les croyants à ne pas réagir vivement aux provocations qui leur sont faites, il les invite à la retenue, puis les assure de son soutien si jamais ils se constituent en pieux et pris de bienfaisance. Inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. Le musulman ne devrait en principe jamais laisser au démon le soin de contrôler ses passions. C'est à lui d'apprendre à les dominer pour mériter la piété tant convoitée que Dieu lui a assigné. Dieu dit, lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, ils se souviennent de leur Seigneur, et aussitôt ils recouvrent leur clairvoyance. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولآلائك من الشاكرين ولحدودك من الحافظين ولكتابك من التالين ويسر لنا يا ربنا السبيل لأن نكون من المتقين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكن لنا حيثما كنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل واعف عنا بعفوك الكريم وأصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك, لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. والختم دائما بالحمد لله رب العالمين, وقوموا إلى صلاتكم خاشعين.